Tu vois, ma vie, c'est un putain de cercle vicieux, une auréole en l'envers. Les gens veulent pas de moi parce que je suis dépressif et que je pète des câbles. Et c'est justement parce que les gens veulent pas de moi que je suis comme ça. Tu sais, c'est comme le cancer, c'est à l'intérieur de toi, personne peut te l'enlever et tu sais que c'est à cause de ça que tu vas crever. Les gens, ils ont trouvé un nom pour ça, c'est l'amour. J'ai trouvé la clé pour refermer le placard qui renferme les démons de mon passé, mais elle rentre pas dans la serrure. Bah ouais, ça fait chier. Vous êtes livreur d'amour et passé chez moi et ses alentours. Moi j'ai bu seul ma bouteille, la prenant pour de l'éther. Prise pour du poison, a été jetée au balcon par ma partenaire. Donc notre amour est impossible. Si Dieu existe, je suis une de ses cibles. De flèches, Cupidon me crie, mais ce n'est pas crédible. Me conduisant un suicide débile et une grosse déprime. Y a plein de bonasses qui sont folles de moi, mais j'arrive pas à les accoster car c'est toujours quand elles me connaissent pas. L'amour de ma vie me connaît trop, alors je reste avec les seuls amours qui me supportent. Ma guitare à mon micro. La vie veut me narguer, la vie veut ma mort. Partout dans la rue, je vois des coupés qui sont là, assassiner des amants qui s'embrassent. Et moi, mes souvenirs de néant qui s'entassent. L'amour, ça fait longtemps que j'ai rencontré, mais cet enculé m'a même pas calculé. Tant pis, c'est peut-être fait exprès, parce que plus j'ai des raisons de me suicider, plus ma musique va s'améliorer. Faut être réaliste, on s'emmerde, y'a rien à faire ici-bas. On peut faire la fête, mais sans drogue, on n'y arrive pas. Sinon, y'a l'amour, mais il a pas voulu de moi. Alors, je fais des tags que personne verra. Ouais, je me distrais comme je peux, ça fait mal pour penser aux belles choses. Alors, j'essaye de pas toucher ma queue. Si je veux pas dormir, c'est parce que je fais des rêves avec elle. La réalité est un cauchemar, je pars pas quand je me réveille. Tout s'éblouit, le ciel n'existe plus, et le nuage gris avance sur le vent des toits de sommeil. L'atmosphère est réelle, virtuelle, dans des rues blanche, beige et éclatante, embellie par le soleil. Ce n'est qu'un rêve, encadré par la fenêtre de mon appartement. Cette vision, les coins de mon chien assis, au synonyme de ma psychologie, plus honnête de mon enfermement. Non, pas maintenant. Pas maintenant, non, pas maintenant. Non, t'es pas mon genre. Non, t'es pas mon genre. Pas maintenant, non. Dans l'alcool, je suis un naufragé en train de sombrer, quittant les bras et te fait des signes enlacés, espérant qu'un jour tu viendras m'embrasser, me sauver. L'amour, j'y crois comme un bof qui regarde ses vidéos internet de gens qui se tabassent et roulent à 300 heures au kilomètre. Dieu n'existe pas, le Père Noël n'a jamais été là. La petite souris cambriole, la peinte que paille sur cette île pleine de statues. L'amour, j'y crois plus, parce que sans ça, je ne vivrai pas. Halloween, les morts ressortent, personne ne win. Il faut que tu sois forte. Chez moi, un chat a failli rentrer, je suis allergique, j'ai failli le destroyer, en faire une œuvre d'artiste, l'éclater. Il avait peur de ma silhouette, mais la porte, je l'ai ouverte pour qu'il s'en aille, parce qu'en fait, pas criminel mais juste dépressif. Assassine-moi, tout seul je n'arrive pas. Assassine-moi, je ne peux pas vivre avec ton image. Assassine mes rêves, tourne la page. Assassine mon art, assassine-moi, je ne peux pas m'empêcher d'y croire. Assassine mon sang, mon corps, mon amour, ma haine. Ils se traînent par terre et plaident. Assassine mes sens comme la cam. Assassine-moi, assassine ma vie qui a connu la faute de s'inspirer de toi. N'en fais pas tout un assassinat, n'en fais pas tout un accident, n'en fais pas tout un plat, fais-en simplement un meurtre. Comme notre taxi driver, je t'aime par accident. Ouais, pour tous, ouais, dépressif, pour tous les futurs talents de psychiatrie, pour tous ceux qui pètent des câbles, pour tous les ouais, ouais, pour tous ceux qui se tranchent les peines, pour tous les tarés, ouais, pour tous ceux qui vont péter leur défoulé, ouais, les énervés de la night. Just